إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن إمامنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه سبحانه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إلى النار، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. نشرع بعون الله وتوفيقه في هذه القراءة المباركة في رسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مع شرحها للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله رحمة واسعة، وجميع علماء المسلمين. Nous poursuivons بإذن الله تعالى notre lecture bénie de ce livre ou de cette risala, cette épître concise dans son volume, mais immense dans son contenu. Comme nous avons vu, et qui s'intitule d'abord « Les quatre règles » avec le commentaire de l'éminent savant Muhammad Aman al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah lui accorde les degrés les plus élevés du paradis, ainsi que tous les savants de la sunna, qui propagent la sunna et qui réfutent toutes les hérésies et les ambiguïtés des gens de la passion et de l'innovation, tels que l'immense savant Muhammad Aman al-Jami rahimahullah. Donc cette risala est immense dans son contenu, bien évidemment, comme on a vu, car ça permet, avec ces quatre règles qui sont tirées du livre d'Allah et de la sunna de son prophète alayhi salam, ça permet de distinguer at-tawhid du shirk et la foi du kufr, wal-iman min al-kufr, et de savoir avec science et avec une grande clarté ce que Allah Azza wa Jal a légiféré pour ses serviteurs au niveau de Tawhid. On s'était rendu à la parole de l'auteur, rahimahullah, où il a dit « I'lam arshadaka Allahu li ta'atih anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhrisan lahu al-din wa bidhalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. » Alors quand on s'était rendu à la parole de l'auteur, rahimahullah, où il a dit « Sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance que la religion de Ibrahim, al-Hanifiyya, nous allons voir ce que c'est al-Hanifiyya, et que t'adores Allah en lui vouant exclusivement le culte. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Cheikh Mohamed Amar rahimahullah a dit dans le commentaire, يقول الشيخ رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته هذا أسلوب العلماء الأولين كثيرا ما يبدأ بالدعاء لطالب العلم الذي يحضر بين يديه لطلب العلم والاستفادة منه اللي رحمه الله quand l'auteur il a dit sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, ça c'est le style des premiers parmi les hommes de science, des anciens parmi les hommes de science. Ils entamaient souvent leurs livres et leurs cours avec dua pour celui qui vient demander la science et qui s'assoit devant lui afin de profiter. Il lui fait dua. Ici, en l'occurrence, il a dit « I'lam arshadak Allah li ta'atih » أن الحنيفية ملة إبراهيم ملة إبراهيم بدل أو عطف بيان من الحنيفية كأن قائلا يقول أن الحنيفية أي ملة إبراهيم donc il a dit sache que الحنيفية c'est la religion de Ibrahim donc quand il dit الحنيفية Millat Ibrahim, ça c'est une explication de ce que c'est le Hanifiya. Ce style en arabe est utilisé afin d'expliquer. C'est comme si quelqu'un il a dit c'est quoi le Hanifiya? Il a dit c'est la religion d'Ibrahim. Le Hanifiya, comme on a dû le voir dans Thalathat al-Usul, car Cheikh ici il ne l'a pas expliqué, comme c'est un terme qui revient souvent. Al-Hanifiya, c'est tiré de l'Hanaf. Al-Masdar, c'est l'Hanaf. Et l'Hanaf, c'est celui qui est écarté, qui dévie d'une chose. Et ici, l'Hanif, c'est celui qui s'écarte du shirk et qui adore Allah seul, tout en s'écartant complètement de shirk. C'est celui d'Al-Hanif. Ibrahim alayhi salam, il a été décrit comme étant Hanif dans le Coran, dans plusieurs versets. Et Hanifia est attribué à Ibrahim alayhi salam. An ta'bud Allah wahdahu mukhlisan lahu ad-din. Hadha ma ja'a bihi Ibrahim wa min ba'dihi min al-anbiya wa man ba'dahu min al-anbiya. وقبله نوح عليهم السلام جميعا هذا هو الدين كله الدين الذي اتفقت عليه الأنبياء أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين donc الحنيفية أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين que t'adore Allah seul en lui vouant un culte exclusif ou en lui vouant exclusivement le culte. C'est avec ça qu'il est venu Ibrahim alayhi salam, ainsi que tous les prophètes après lui, et même avant lui, Nuh alayhi salam, tous. C'est ça leur religion. Et c'est ça la religion sur laquelle tous les prophètes sont d'accord. C'est que tu adores Allah seul en lui vouant exclusivement le culte. Donc ça, c'est la base de la religion de tous les prophètes, sans exception, depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier d'entre eux. Tous y sont venus avec la même base de la religion, qui est tawhid, adorer Allah seul, aimer croire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, Azza wa Jal. Et ce qui varie entre les prophètes et les messagers, c'est les législations. Mais la base de la religion, qui est Tawhid, elle est commune à tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wa salam. وهذا الكلام في ظاهره ليس فيه إشكال ما من مسلم ينتسب إلى الإسلام إلا ويدعي هذه الدعوة أنه يعبد الله وحده مخلصا له الدين إلى دي رحمه الله ces paroles يعني qui ont précédé ils ne représentent aucun problème dans leur apparence. Pourquoi? Parce que chaque musulman qui se dit musulman, il prétend cette prétention. Il dit qu'il adore Allah seul en lui vouant exclusivement le culte. Il n'y a pas un musulman qui dit « Moi j'adore Allah et j'adore autre avec lui ». Chaque musulman il dit moi j'adore Allah seul. ولكن قد يقع العابد في الشرك بالله إما الشرك الأصغر أو الأكبر لأنه لا يعرف الشرك ولا التوحيد فلا يميز بينهما لأن هذا الباب باب لا يدرس كثيرا ولا يطرق كثيرا لذلك يحصل فيه الخلط. Il a dit رحمه الله. Donc, rappelons ce qui a précédé pour le lier avec ce qui va suivre. Il n'y a pas de souci dans l'apparence de première vue. Il n'y a pas de souci avec ces paroles qui ont précédé. C'est-à-dire que chaque musulman, forcément, il dit adorer Allah seul sans rien lui associer. Mais le serviteur peut tomber dans le shirk. Le mineur ou le majeur, et la cause, c'est qu'il ne connaît pas ce que c'est shirk. Il ne connaît pas ce que c'est shirk. Et il ne le distingue pas de tawhid. Car ce domaine, la science de tawhid, et connaître également son opposé qui est shirk, n'est pas beaucoup enseigné. Et c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé. C'est pour ça que la confusion arrive à ce niveau-là. Car beaucoup de gens n'apprennent pas Tawhid, n'apprennent pas la religion de manière générale, ne demandent pas la science, qui est un devoir pour chaque musulman. Et encore moins pour ceux qui apprennent et qui enseignent, la science la moins abordée, c'est la science de Tawhid. Excepté chez Al-Sunnah wal-Jama'ah. Alhamdulillah. Comme vous le voyez, à commencer par le plus petit des tullab al-ilm et le salafi, le plus débutant dans le salafiya, arrivé au grand savant, et aux imams de la sunna, vous trouvez que tous, ils accordent de l'importance au tawhid. Car c'est la clé du paradis. Et c'est la bonne action la plus lourde dans la balance. Et c'est la bonne action sans laquelle il n'y a pas quelque chose qui s'appelle hasana. Il n'y a pas de bonne action sans tawhid. Donc, Tawhid, c'est une science qui doit suivre le musulman toute sa vie, jusqu'à quitter ce bas-monde. Et même au moment où il doit quitter le bas-monde, celui qui a vécu toute sa vie dans Tawhid, même à ce moment-là, il finit ad-dunya avec cette parole de Tawhid. Comme il a dit le Nabi alayhi salatu wa salam, celui dont la dernière parole est « La ilaha illallah » ira au paradis. Et il ne faut pas être leurré, mes frères, et croire qu'arrivé ce jour-là, tu vas faire les efforts pour dire « La ilaha illallah ». Non. Ce n'est pas ce jour-là qu'il va falloir faire les efforts. Les efforts, ça doit être fait et fourni aujourd'hui. Ce jour-là, tu récolteras les fruits de tes efforts. Et c'est Allah qui va te permettre de dire « La ilaha illallah » et de finir le bas monde avec la parole de Tawhid. Et celui dont la dernière parole est « La ilaha illallah », forcément il ira au paradis. Forcément. Après, pas obligé qu'il aille au paradis directement. Peut-être qu'il aura des grands péchés desquels il ne serait pas repenti. Et que si jamais la miséricorde d'Allah ne l'englobe pas dans sa miséricorde et ne lui accorde pas son pardon, il devra être purifié de ses péchés par une des nombreuses purifications que les hommes de science citent et que Ibn al-Qayyim a cité, rahimahullah. Les catastrophes dans le bas monde, le châtiment de la tombe, les difficultés du jour de rassemblement, le pardon du tout miséricordieux, et sinon, la purification avec le feu de l'enfer, wal'iyadu billah, pour se voir attribuer une place dans le paradis ensuite, car tout mouahid forcément ira au paradis. Tout mouahid qui est mort sur tawhid, pas qui se dit mouahid, qui est mort mouahid auprès d'Allah et qui a concrétisé la parole la ilaha illallah et qui est mort sans rien qui contredit cette parole la ilaha illallah, celui-là, forcément, il ira au paradis. Qu'Allah nous accorde tawhid pur. Qu'Allah prenne nos âmes dans tawhid. Et qu'Allah nous éloigne et nous préserve de tomber dans le shirk. Et apprenez le dua que le Nabi Aïssa sallam nous a enseigné. Toujours dire dans vos dua. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أهل السنة ils ont compris la valeur du tawhid et la place du tawhid parmi les autres législations de l'islam. C'est pour ça ils lui accordent toute leur importance, car le mérite de la science est une fonction de son sujet. Le mérite de chaque science est proportionnel au sujet qui est traité dans cette science. Et le sujet de Tawhid, c'est la connaissance d'Allah. C'est la plus noble de toutes les sciences. Et dans cette voie, il faut patienter, mes frères. Il faut patienter. Car Nafs n'aime pas apprendre de manière générale. Et encore moins cette science de Tawhid. Mais en faisant les efforts, Allah Azzawajal, il te fait aimer cette science au point où tu trouves dans son apprentissage un plaisir que les hommes ne trouvent pas dans les rapports charnels. Comme on dit beaucoup de savants. Donc ne vous lassez jamais d'apprendre Tawhid. Et ne dites jamais, c'est bon, j'ai étudié tel et tel et tel livre dans Tawhid, ça me suffit. Non, yahi. Ça va te suffire quand tu vas quitter ce bas monde avec Tawhid. là ça va suffire. Mais qui peut te le garantir? Donc t'apprends, et plus t'apprends, tu crains de perdre cette ni'ma immense qu'Allah t'a accordée qui est tawhid. Et t'as peur sur cette ni'ma. Tu l'exposes pas au danger en allant sur les sites et en prenant à droite, à gauche de n'importe qui. Peut-être que tu t'attraperas des choubouhats et des ambiguïtés. Et personnellement, je sais que ce phénomène est répandu, en France en particulier, et parmi beaucoup de salafiyins qui ne respectent pas la voie de salaf dans l'apprentissage et de qui ils prennent la science et ils exposent leur religion ainsi à des grands dangers en allant sur des sites tels que YouTube ou autres et en regardant des vidéos. Celui-là, il dit une chose et l'autre, il le réfute jusqu'à attraper des choubouhats. Et le pire, c'est qu'il n'ose pas en parler. Ne va jamais sur ces choses-là. Et si jamais tu fais l'erreur d'y aller et que tu attrapes des choubouhats, fasse le nécessaire pour dissiper ces choubouhats, ou plus vite. Et ne les laisse pas longtemps dans ton cœur, car ça va être encore plus difficile à extraire. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ وَيُفَهِّمْهُ الْفَهْمَ الصَّحِيحَ فِي دِينِ اللَّهِ بَدْءًا مِنَ الْعَقِيدَةِ وَمُرُورًا عَلَى الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ إلى آخر الأمور الدينية. وقل من يهتدي للتفريق بين الشرك والتوحيد وبين البدعة والسنة إلا من وفقهم الله وصاروا على منهج السلف من الفرقة الناجية، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دونك الذي رحمه الله celui pour qui Allah veut du bien, il lui accorde la bonne compréhension de la religion. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui accorde la bonne compréhension de la religion. Cheikh Rahimallah a dit en commentant ce hadith bien évidemment, il est rapporté dans les deux authentiques, selon Muawiyah radiallahu anhu. Il a dit, il lui donne la bonne compréhension dans la religion d'Allah, en commençant par l'aqida, le dogme, le credo, et en passant par les adorations, et également dans ses transactions. Yani, en arrivant aux autres affaires de la religion. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il lui donne la bonne compréhension dans la religion, dans toute la religion. C'est pas le fiqh comme on l'entend au jour d'aujourd'hui. Le fiqh qui est connaître ce qui est halal, ce qui est haram. Au jour d'aujourd'hui, quand on parle de le fiqh, on parle de le halal ou le haram. Mais le fiqh qui est voulu ici, ça englobe le fiqh dans toute la religion. À commencer par l'aqida, également connaître le halal ou le haram, connaître les adorations, comment adorer Allah, et également dans son commerce, dans son comportement avec les gens, dans ses affaires mondaines de manière générale, et toutes les affaires de la religion. Car le Nabi Aïssa Salam, il a dit, il lui donne la compréhension dans la religion, pas la compréhension dans une partie de la religion en négligeant les autres. Non, c'est celui-là pour qui Allah il veut le bien. Ça, c'est un signe qu'Allah lui veut le bien. Ensuite, il a dit, rahimallah, et peu de gens distinguent le shirk du tawhid et distinguent le bid'a de la sunna, sauf ceux, et peu de gens, sauf ceux à qui Allah a facilité. Pour qui Allah l'a facilité et qui sont assistés par Allah Azza wa Jal et qui ont suivi la voie de Salaf le groupe sauvé, comme Allah Azza wa Jalla a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. اللام في ليعبدون لام الحكمة وهي التي يسميها النحاة لام العلة أي الحكمة في خلق الجن والإنس عبادة الله ليعرفوه وليوحدوه وليخلصوا له العبادة وليكونوا عبيدا له وحده لا شريك له لهذا خلقهم. الله عز وجل dit dans le verset إلا ليعبدون ليعبدون لي حرف جر يعبدون c'est un verbe. Ce lam dans li yabudun, il a dit Cheikh Rahimallah, c'est le lam de la sagesse afin qu'il m'adore. Et les nahouyin, ils appellent ce lam, ils l'appellent lam ul illa, c'est-à-dire le lame qui montre la cause et qui montre la sagesse. Pourquoi Allah? C'est comme si quelqu'un a dit pourquoi Allah a créé les djinns et les humains. La réponse, la sagesse derrière la création des hommes et des djinns, la cause et la raison pour laquelle Allah les a créés, c'est quoi? La réponse, adorer Allah seul, sans rien lui associer. C'est pour cela qu'il les a créés. Entre parenthèses, pour compléter le faïda sur l'ilm et le devoir de patienter dans talab l'ilm, il y a un autre point que j'aimerais souligner ici, c'est qu'il ne faut rien minimiser du bien. Car Shaitan vient à beaucoup de frères, il leur dit « qu'est-ce que ça te fait ?» Un cours par semaine, deux cours par semaine, c'est pas comme ça que tu vas apprendre. Ça, c'est une shubha de shaitan pour t'éloigner de l'ilm et de l'apprentissage. Ce que tu peux consacrer de ton temps à l'ilm, consacre-le. Ne serait-ce que 5 minutes par semaine. Et bien évidemment, plus tu consacres de temps à la science, plus t'en auras de la science. Et en règle, de base, il faut consacrer à la science les meilleurs moments qu'on a. C'est pas le temps yani, dans lequel tu trouves rien à faire. Tiens, on va lire un petit livre, on va regarder quelque chose, on va écouter un cours quand t'as rien à faire. Et comme ils disent en arabe, فلوقت الميت, le temps mort. Il n'y a rien à faire, je vais lire un livre. Non, l'ilm, il faut que tu lui consacres les plus précieux de tes moments dans la journée. Mais après, chacun selon sa capacité. Quelqu'un qui se consacre à l'ilm, c'est pas comme quelqu'un qui travaille. Yani, ça ne sera pas le même discours. Mais, même celui-là qui a des occupations, il ne faut pas qu'il néglige l'apprentissage. Il ne faut pas qu'il ne minimise rien du bien. Si tu peux consacrer 10 minutes, t'écoutes une partie d'un cours pendant 10 minutes, Wallah, c'est un bienfait immense. Et tu verras, avec les mois, les semaines et les mois et les années, que tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc, ne minimise rien du bien. Est-ce que tu peux consacrer à l'ilm? Consacre-le. Et ne crois pas que l'ilm s'est consacré à une catégorie d'êtres humains, à une élite. Et moi, j'en fais pas partie. Moi, je suis pas facilité. J'ai pas de capacité de mémorisation. J'ai pas de capacité de compréhension. Je suis faible. Non. Ça, c'est faux. Car l'ilm, rien que d'apprendre, c'est une voie vers le paradis. Que tu arrives à acquérir la science ou pas, alors ne néglige rien de talab al-ilm. Mais aie un programme et organise-toi. C'est pas écouter une faïda par-ci, une faïda par-là. Ça, tu vas rien apprendre. Mais construis-toi dans la science. étudie des moutons avec leurs explications et patiente, car nafs aime bien le fawaïd. Ibn al-Qayyim a dit, l'Albani rahimullah a dit, Ibn Taymiyyah a dit, nafs aime bien ça, mais il t'apprendra pas de cette manière. T'apprendra pas avec le fawaïd de WhatsApp. Combien tu lis de faïda par jour? Regarde l'effet de ces fawaïd sur toi dans ta vie. Par contre, cette méthode que nous suivons, alhamdoulillah, qui est d'apprendre les épîtres de science que les savants ont recommandées, en commençant par les épîtres qui visent les débutants comme nous, bi'idnillah, tu verras beaucoup de bien. Et il y a beaucoup de questions que tu n'auras plus besoin de poser par la suite. C'est pour ça, à plusieurs reprises, il y a des frères qui viennent, qui posent des questions à des hommes de science, et lui dit, il l'oriente vers l'apprentissage. Va apprendre, et tu sauras la réponse. Ensuite, l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimullah, a dit, فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Ensuite il a dit رحمه الله, lorsque tu sauras qu'Allah t'a créé pour son adoration, sache alors que l'adoration ne s'appelle adoration que si elle contient le tawhid. Comme la prière ne s'appelle prière qu'avec les ablutions et la purification. Et quand le shirk se mélange à l'adoration, il la corrompt exactement comme l'impureté corrompt la purification. Dans le commentaire, Cheikh Mohamed Amar, rahimallah, a dit, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ. Il a dit, l'adoration ne s'appelle adoration qu'avec tawhid, c'est-à-dire qu'avec la sincérité. Tawhid, c'est la sincérité. Al-ibadatu allati laysa fiha ikhlasun, laysa fiha ifradullahi ta'ala bil-ibada. Car l'adoration dans laquelle il n'y a pas de sincérité, yani, il n'y a pas d'exclusivité envers Allah, ce n'est pas une adoration. فَقَدْ أَتَى صَاحِبُهَا بِمَا يُخَالِفُ الْإِخْلَاصُ وَهُوَ الشِّرْكُ إِمَّا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ أَوْ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ بِحَسَبِ نِيَّتِي وَقَصْدِ مُرْتَكِبِهِ. Il a dit, car celui l'adoration dans laquelle il n'y a pas de sincérité, c'est pas une adoration, car il n'y a pas la notion de l'exclusivité envers Allah Azzawajal. Car celui-là, yani qui a fait une adoration de cette manière, dans laquelle il n'y a pas l'ikhlas, il est tombé dans le shirk. Il a mélangé avec son adoration du shirk, que ce soit le shirk mineur ou le shirk majeur, selon son intention. Selon son intention. Entre parenthèses, vous vous rappelez que on a vu dans Thalafat al-Usul que si l'intention de celui qui tombe dans shirk c'est de prendre une cause qui n'est pas une cause légiférée, par exemple il porte une amulette afin que Allah repousse de lui le mauvais œil, ça c'est du shirk mineur. Par contre, s'il porte une amulette ou un talisman ou ce qu'ils appellent la main de Fatma ou des choses comme ça, pour que ça repousse elle-même le mauvais œil de lui, ça c'est du shirk majeur. Car il a attribué une caractéristique propre d'Allah Azzawajal à une de ses créatures. Et ça c'est du shirk qui fait sortir de l'islam. Ensuite il a dit, et le shaykh rahimahullah, وضرب الشيخ لذلك مثلا فقال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة ولو صلى الإنسان طول الليل والنهار ولكن بلا طهارة هل تعتبر صلاة؟ الجواب لا. Et Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il nous a donné, il a donné une parabole. Il a dit, tel que la prière ne s'appelle prière qu'avec la purification. Qu'avec la purification. Si la personne prie de jour comme de nuit, sans interruption, mais sans purification, est-ce que ça s'appelle prière? La réponse, non. Entre parenthèses, ça peut s'appeler mécréance. S'il prie sans les ablutions exprès, ça peut être un acte de mécréance qui fait sortir de l'islam. Et ce n'est pas une prière. De toute manière, même s'il n'y a pas cette intention, par exemple, si elle oublie, ça ne s'appelle pas une prière, même s'il oublie. Quelqu'un qui a prié Dhuhr en pensant avoir les ablutions, et trois jours après, il a la certitude, ce n'est pas le doute. Car le doute n'est pas à prendre en compte après la fin de l'adoration. Mais lui, il a la certitude qu'il a prié sans les ablutions. Il s'est rappelé un détail qui lui a donné la certitude que ce jour-là, il a prié sans les ablutions. Il faut savoir que ce dhuhr, il n'a pas été prié. Il est redevable de cette prière. Il l'a prié tout de suite. Il fait ses ablutions, il prie tout de suite au moment où il s'est rappelé avec certitude. Et alhamdoulilah, il n'est pas blâmé. Car Allah nous a pardonné l'oubli. Ensuite, il a dit, كذلك من يعبدون الله كثيرا ويكثرون من العبادة ويصلون لله كثيرا ويتعبون وينصبون في سبيل ذلك ولكن من وقت لآخر يجأرون باسم غير الله ويلجأون إلى غير الله ويستغيثون بغير الله ولكن عند الشدة ينسون ربهم الذي كانوا يسجدون له فيقولون يا سيدنا فلان اشتدت الأمور. Il a dit, Cheikh Rahimullah, de même manière pour ceux qui adorent Allah et qui multiplient les adorations, qui prient beaucoup et ils se fatiguent dans leurs adorations, mais de temps à autre, ils s'adressent à autre qu'Allah. Ils demandent le secours à être qu'Allah dans la difficulté, dans la détresse. Ils oublient leur Seigneur, ils oublient Allah, pour lequel ils se prosternaient. Et ils disent, ô Sidi Intel, yani dans la difficulté, ils s'orientent vers Sidi Intel, vers yani le Saint Intel, ou l'allié d'Allah Intel, comme ils disent. Et ils disent, nous n'avons d'issue que en revenant vers toi. Et vers une créature. فهذا الفعل نقض عبادته بل أبطلها كما مثل الشيخ بقوله فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Donc cet acte de leur part qui est de s'adresser vers autre qu'Allah dans la difficulté, ça rend caduque leurs adorations. Et ça annule leurs adorations. Comme il a dit l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, quand shirk est mélangé à l'adoration, il la corrompt. De la même manière que l'impureté corrompt la purification. Ou corrompt la pureté. Corrompt la pureté. Que ce soit les petites ou les grandes ablutions. إذا تطهر الإنسان ثم حصل له الحدث بنواقض الوضوء المعروفة، ولو كان قريب عهد بالوضوء، لو خرج الإنسان إلى الميضأة الآن فدخل المسجد ثم خرج منه الريح فسد هذا الوضوء، ولو صلى بعد هذا الحدث فصلاته باطلة. Il a dit, rahimahullah, si la personne se purifie et ensuite il lui arrive quelque chose parmi ce qui annule les ablutions, les choses connues, même s'il vient de faire les ablutions. Par exemple, quelqu'un qui sort vers l'endroit où on se purifie, il fait ses ablutions. Ensuite, il rentre dans la mosquée et il a une sortie de gaz. Il a une sortie de gaz, ça annule les ablutions. Et si après cette chose qui annule les ablutions, sa prière est caduque. كذلك من قال لا إله إلا الله وصلى وصام وأكثر من العبادة ومع ذلك من وقت لآخر يعبد غير الله مع الله يفسد توحيده وتفسد عقيدته وعبادته. De la même manière, celui qui dit la ilaha illallah, il prie, il jeûne, il multiplie les adorations. Et de temps à autre, il adore autre qu'Allah avec Allah. Ça annule et ça corrompt son unicité. Et ça corrompt également son aqida, son dogme et ses adorations. وكلمة يعبد غير الله يستثقلها كثير من المسلمين فيقولون كيف يتهم المسلمون بأنهم يعبدون غير الله. Il a dit, rahimahullah, écoutez bien ce qu'il dit. Le fait de dire qu'il adore autre qu'Allah, beaucoup parmi les musulmans, ils n'acceptent pas ce jugement. Ils n'acceptent pas ce jugement. Ils disent, comment on accuse les musulmans d'adorer autre qu'Allah? Ils n'arrivent pas à s'imaginer qu'un musulman puisse adorer autre qu'Allah. وسبب هذا الاستثقال والاستغراب الجهل بأنواع العبادة، لأن العبادة عند كثير من جباهر المسلمين أركان الإسلام الخمسة فقط. Et la cause de cette incompréhension et de trouver étrange ce jugement, c'est l'ignorance de ces gens-là. Parce qu'ils sont ignorants de ce que c'est les adorations. Car l'adoration, pour la plupart des musulmans, c'est les cinq piliers de l'islam et ça s'arrête là. Ils ne connaissent de l'adoration que les cinq piliers de l'islam. أما الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والالتجاء والتضرع والتذلل أمام الأضرحة والمشاهد وأمام القبور وتلك الهمسات في آذان الموتى لو كان الموتى يسمعون يهمسون همسات لا يحسبون أن تلك عبادة ويجهلون كونها أهم العبادات ويجهلون كونها أهم العبادات قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Donc pour eux l'adoration c'est quoi? C'est les cinq piliers de l'islam. Par contre l'invocation, la demande de secours, le sacrifice, les vœux, la soumission et l'humilité, et tout ce qu'ils peuvent faire devant les mausolées, dans les cimetières, pour les morts, et ces murmurements, il a dit, rahimallah, et ces murmurements qu'ils font devant les tombes des morts, si les morts entendaient, si seulement les morts entendaient ces murmurements qu'ils font devant leurs tombes et dans lesquelles ils les appellent au secours, ils demandent leur aide et leur soutien, pour eux, ça, ce n'est pas une adoration. Ils ignorent que ça, c'est le plus important de l'adoration. Comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, l'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Entre parenthèses, ce hadith, pour bien le comprendre, c'est comme l'autre hadith, Al-Hajju Arafa. Quand Nabi alayhi salam, il dit, Al-Hajj, c'est Arafa. Vous savez tous que le Hajj n'est pas valide uniquement avec le pilier de Arafa. Le Hajj n'est valide qu'avec tous ses piliers, 4 ou 5 selon le madhhab. Mais en tout cas, le Hajj n'est valide qu'en réunissant tous les piliers. Mais pourquoi Al-Hajj Arafa? C'est pour montrer la place de ce pilier dans cette adoration. Donc, Ad-Du'a, c'est l'adoration. Du'a, ce n'est pas l'unique adoration. Mais pour que tu saches la valeur de Du'a dans l'adoration. وَمَنْ يَدْعُونَ غَيْرَ اللَّهِ وَيَسْتَغِيثُونَ بِغَيْرِ اللَّهِ وَهُمْ مِنَ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَنَوَافِلِ الصَّلَاةِ وَنَوَافِلِ الصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْإِنْفَاقِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُخْلِصُوا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَلَمْ يَجْعَلُوا قُلُوبَهُمْ لِلَّهِ وَحْدَهُ يَسْكُنُ فِي قُلُوبِهِمْ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمَعْبُودِينَ مُعَظَّمُونَ فِي قُلُوبِهِمْ كُلَّ التَّعْظِيمِ كما يعظم الموحد رب العالمين هؤلاء لا عبادة لهم بلى من هؤلاء لا عبادة لهم بل من مات على ذلك بعد أن عرف وقامت عليه الحجة ولكنه لم يستطع أن يقلع لأنه تعود تلك العبادة أو تلكأ ولم يقلع إلى أن مات على غير الإسلام. Il a dit, rahimahullah, ceux qui invoquent autre qu'Allah et qui demandent le secours à autre qu'Allah, tout en multipliant les adorations, la prière, le jeûne, les actes surrogatoires de prière et de jeûne et de hajj et de umra et les dépenses fi sabilillah. Mais ils ne vouent pas leur culte exclusivement à Allah Azzawajal. Et ils n'ont pas réservé tout leur cœur. Ils n'ont pas réservé le cœur à Allah seul. Dans leur cœur, tu trouves qu'il y a plusieurs adorés qui sont vénérés de la même manière que le Mouahid vénère Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Ceux-là n'ont pas d'adoration en réalité. En réalité, ils n'ont pas d'adoration pour Allah. Au contraire, celui qui meurt parmi ceux-là, dans cet état, en ayant reçu la preuve et l'argument sur la gravité de son acte, mais il n'a pas pu délaisser ses pratiques, car il a eu l'habitude de les pratiquer, ou yani, il ne les a pas délaissés jusqu'à mourir dans cet état. Alors celui-là, il meurt sur autre que l'islam. Il meurt non musulman. إنما قلت إذا قامت عليه الحجة لأن أمثال هؤلاء أولا لا بد من دعوتهم إلى الله وتبصيرهم في دين الله وبيان حقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم حتى تقوم عليهم الحجة. Cheikh dit, pourquoi j'ai précisé quand l'argument leur parvient et quand la preuve est faite contre eux. Il a dit ces gens-là, tout d'abord, il est indispensable de les appeler à la religion d'Allah et de leur clarifier ce que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de leur montrer ce que c'est en réalité avec quoi est venu le messager alayhi salatu wassalam. Et ensuite, on dit que l'argument est fait contre eux et que le hujja est fait contre eux. Après, ils n'ont plus d'excuses. Ils n'ont plus d'excuses. Et donc, je profite pour donner une faïda ici. C'est que notre souci, ça doit être comment sauver ces gens-là. Si vous allez dans les pays de l'islam, excepté l'Arabie Saoudite, vous trouvez que beaucoup de gens ne connaissent pas Tawhid. Donc toi, quel est ton rôle? Ton rôle, c'est de le renseigner, car la plupart d'entre eux ignorent ce que c'est Tawhid. Et ils croient que c'est pratique, ancestrale sur lesquelles ils ont trouvé leurs parents, qui s'opposent au Tawhid. Ils croient que c'est ça l'islam. Donc c'est notre rôle de les appeler au Tawhid pur et de les appeler à vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jal avec sagesse et avec argument et avec science. Avec science et sagesse. Ensuite il a dit, rahimahullah, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله التي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Et il a dit, rahimallah, lorsque tu sauras que lorsque shirk se mêle à l'adoration, il la corrompt, il annule toutes les actions et rend celui qui le commet parmi les éternellement damnés à l'enfer, tu sauras dès lors que la chose la plus importante pour toi, c'est de connaître cette chose, c'est-à-dire de connaître Tawhid et de connaître Shirk. Il se peut qu'Allah te sauve de ce piège qui est l'association à Allah, au sujet duquel Allah a dit, certes Allah ne pardonne, dans le sens approximatif du verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela il pardonne à qui il veut. Dans le commentaire, قال المصنف فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك أي معرفة الشرك وأنواع الشرك معرفة الشرك وأنواع الشرك ومعرفة العبادة وأنواع العبادة هذا أهم شيء أي أن تعرف حق الله على العباد وتصرف هذا الحق لله على علم وبصيرة دون أن تصرفه لغيره. Quand l'imam Muhammad ibn Abdul-Wahhab a dit, lorsque tu sauras que shirk, quand il se mêle à l'adoration jusqu'à la fin de ce qu'il a dit, c'est-à-dire connaître shirk et les différentes catégories de shirk, connaître l'adoration et les différentes catégories de l'adoration. Ça, c'est la chose la plus importante. Et entre parenthèses, ça vous avez dû le constater par vous-même. Tu parles à n'importe quel musulman. Tu lui dis, tu sais que tu dois adorer Allah seul, sans rien lui associer. Il te dit, na'am, je dois adorer Allah seul, sans rien lui associer. Tu lui dis, tu sais que shirk, c'est un très grave péché qu'Allah ne pardonne jamais. Il te dit, na'am, je sais que shirk, c'est un grand péché, très grave, qu'Allah ne pardonne jamais. Mais malgré ça, si tu regardes dans ses adorations, dans ses paroles, dans certains de ses actes, tu vas trouver du shirk. Illa ma rahim Allah. Sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Pourquoi? À cause de ce qu'il a dit ici l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et dans l'explication de Cheikh Mohamed Amal Jami. Car il ne sait pas ce que c'est l'adoration. Il ne sait pas que quand il dit « Secours-moi, ô Sidi Jilani », il ne sait pas qu'il vient d'adorer Sidi Antel. Il ne le sait pas. Il ne sait pas ce que c'est shirk. C'est à cause de cela, à cause de son ignorance, dans la grande majorité bien évidemment. Après, on sait qu'il y a des gens qui suivent le hawa et qui suivent la passion. Ils connaissent le haq, mais ils ne veulent pas le suivre. Mais nous, on parle de « Ammat al-Muslimin », le commun des muslimines. La plupart d'entre eux sont dans le premier cas, c'est l'ignorance. Et même dans votre entourage, l'awam, dans les mosquées que vous voyez qui tombent dans certains bid'as, souvent c'est à cause de l'ignorance. Parce qu'ils étaient induits en erreur par ces imams de l'égarement, ces imams de la mosquée. Comme il a avoué un que je connais personnellement et beaucoup d'autres, qu'ils ne pratiquent ces bid'as que pour réunir les gens autour d'eux et pouvoir bénéficier de leurs dons. Donc ce qui est le plus important pour toi, c'est de connaître shirk avec ses différentes catégories. Et de connaître tawhid et l'adoration avec ses différentes catégories. Afin que tu saches quel est le droit d'Allah sur toi. Et que tu voues ce droit à Allah seul avec science et clairvoyance. Sans le vouer à autre qu'Allah. لَعَلَّ اللَّهَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَيْ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ. وهي الشرك بالله التي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Afin qu'Allah, si tu fais cela, c'est-à-dire t'apprends tawhid et t'adores Allah avec tawhid et t'apprends ce que c'est shirk et tu t'écartes de shirk, si tu fais cela, Allah te sauvera de ce piège qui est l'association, l'associationnisme. Au sujet duquel Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens approximatif du verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. عندما ألف الشيخ هذه الرسالة كانت بلاد نجد التي أصبحت فيما بعد دارا للتوحيد كان فيها كثير من مظاهر الشرك. Il dit, rahimahullah, que quand l'auteur a fait cette risala dans la région de Najd, de laquelle est originaire l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il y avait beaucoup de formes de shirk apparentes. Il y avait beaucoup de formes de shirk apparentes. Alhamdulillah, ces terres de nos jours, et depuis la sortie de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, et depuis qu'il a commencé sa da'wa, ces terres sont devenues des terres de tawhid, et desquelles sont sortis énormément de très grands savants de tawhid. كانوا يعبر الشيخ عن واقع القوم وأنهم يقعون في هذه الأشياء ولكن جزاه الله خيرا جاهد حتى انتشر التوحيد وانتشر إفراد الله تعالى بالعبادة. Donc Cheikh, dans ses livres et dans cette rissale en particulier, il exprimait les choses qu'il y avait dans son entourage, mais qu'Allah le récompense, il a fait les efforts jusqu'à ce que le tawhid s'est propagé, jusqu'à ce que Allah était adoré seul. ثُمَّ خَرَجَ التَّوْحِيدُ مِنْ نَجْدٍ إِلَى حِجَازٍ ثُمَّ انْتَشَرَ فِي الْجَزِيرَةِ. Et ensuite, le tawhid s'est propagé, qui a commencé dans la région de Najd, s'est propagé dans toute la région de l'Hijaz. Dans toute la région de l'Hijaz. Et ensuite, s'est propagé dans toute la péninsule arabique. Donc, la région de l'Hijaz, ça comporte le Mecca ou le Medina. Et la péninsule arabique, c'est tous les pays dans le Jazira de nos jours. L'Imarat, le Bahreïn, le Saoudia, le Yémen. Tout cela, tous ces pays-là font partie de la péninsule arabique. فإذا هو اليوم بحمد الله منتشر حتى في أمريكا وفي دول أوروبا لا أقول في الدول العربية والإفريقية وشرق آسيا ولكن انتشر هذا التوحيد اليوم في كثير من الأقطار. Et jusqu'à ce que de nos jours, والحمد لله, le توحيد s'est propagé jusqu'à l'Amérique, jusqu'aux pays d'Europe. Et je ne dis pas uniquement dans les pays arabes et l'Afrique et dans l'Est de l'Asie, mais il s'est propagé dans beaucoup de pays. وَلِذَٰلِكَ لِلدَّاعِيَةِ الْمُجَدِّدِ الشَّيْخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الواسعة له أجر كل موحد وأجر كل عابد لأنه دعا إلى هدى. قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. C'est pour ça que cet imam, ce da'iya, qui a appelé au tawhid, cet imam revivificateur, qu'Allah lui fasse grandement miséricorde, il a la récompense de chaque muwahhid, de chaque personne qui adore Allah seul, car il a appelé à une guidée. Et le Nabi alayhi salam a dit, celui qui appelle à une guidée, il aura la même récompense que ceux qui l'ont suivi. Et cela ne diminue en rien leur récompense et leur salaire. C'est-à-dire que celui qui a pratiqué le tawhid, il a son salaire et sa récompense complète. Et comme il a connu le tawhid par la cause de cet imam, alors l'imam il aura la même récompense et le même salaire que lui, sans que ça diminue sa récompense en rien. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne d'associer. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, c'est-à-dire pour celui qui meurt dans l'associationnisme. والعياذ بالله وليس معنى ذلك أن من أشرك بالله لو تاب وأناب أن الله لا يغفر له ليس هذا معنى الآية. Et le verset ne veut pas dire que celui qui tombe dans le shirk et qui se repent et qui revient vers Allah, Allah ne lui pardonne pas. Non, c'est pas ça le sens du verset. معنى الآية من مات وهو يدعو لله ندا لا يغفر الله له فيدخل النار خالدا مخلدا. والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لمن مات على الشرك. Le sens du verset, c'est qu'Allah ne pardonne pas à celui qui meurt en invoquant un égal avec Allah Azza wa Jal. Allah ne lui pardonne pas. Il ira en enfer éternellement. Et le délil est dans le verset. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. C'est-à-dire celui qui meurt en étant associateur. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون ذلك قد يغفره الله بدون توبة بأن تكثر حسناته وتغلب على سيئاته وبأن يقيض له الشفعاء وبأن يكفر عنه بالمصائب وبكثير من مكفرات الذنوب. Et à part cela, il pardonne à qui il veut. c'est-à-dire à part le shirk, l'associationnisme, la mécréance, Allah il pardonne à qui il veut, même sans repentir. Dans le cas, par exemple, où les bonnes actions de cette personne qui est morte avec des grands péchés, sans faire de repentir, Allah, il peut lui pardonner, yani parce que ses bonnes actions sont plus nombreuses que ses mauvaises actions. Ou parce que Allah permet à certains de ses serviteurs d'intercéder auprès de lui en sa faveur. Ou parce qu'il a été touché par des épreuves et des catastrophes qui seront une expiation pour lui. Ou avec autre parmi les choses qui permettent d'expier les péchés. Amma shirk, fala budda min at-tawbah qabla al-maut. Contrairement au shirk, il est indispensable de faire un repentir avant la mort. Amma man irtakaba al-kaba'ira wal-mubiqat fima dun ash-shirk wa mata 'ala dhalika qabla an yatub fa amruhu ila Allah. Il mata 'ala khayrin 'ala khayri 'amalihi رجونا له خيرا وإن مات على سيء عمله خفنا عليه ولكن لا نقطع بأنه من أهل النار مهما كانت الذنوب كبيرة ومن الموبقات بل نفوض أمره إلى الله هذا الذي درج عليه سلف هذه الأمة إلى يومنا. Donc sûr qu'il est indispensable de faire un repentir avant la mort. Par contre, celui qui meurt en ayant commis des grands péchés, des graves péchés, qui n'atteint pas le degré de shirk, il meurt sans se repentir à Allah, alors son affaire est auprès d'Allah Azzawajal, et il est sous la volonté d'Allah. Si Allah, il veut, il lui pardonne. Si Allah, il veut, il le châtie proportionnellement à ses péchés. S'il meurt sur un bon acte, s'il meurt, et que le dernier de ses actes est un bien, on espère pour lui, auprès d'Allah, qu'il lui pardonne et qu'il ne le châtie pas. Et s'il meurt sur une mauvaise fin, et en ayant commis un mauvais acte, on craint pour lui, et on a peur pour lui qu'il soit châtié. Mais on ne peut pas dire qu'il sera parmi les gens de l'enfer, quand bien même ses péchés sont graves. Du moment que ça n'atteint pas le shirk. Mais on remet son affaire auprès d'Allah Azza wa Jal. On remet son affaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sur ça, c'est ainsi la méthodologie de nos salafs. Jusqu'à nos jours, salaf, al-sunnah, leur aqida et leur croyance vis-à-vis de celui qui meurt en ayant fait des grands péchés sans repentir, c'est ce que Cheikh a cité ici, qui en résumé, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah il veut, il lui pardonne, il lui fait rentrer au paradis directement. Et si Allah il veut, il le châtie proportionnellement à ses péchés, et il le fait rentrer au paradis ensuite. De toute manière, il faut qu'il soit purifié de ses péchés. Car le paradis, c'est une bonne demeure. Et il ne rentre au paradis que les bons, qui sont purifiés de tout mal. Et après, les expiations et les purifications sont nombreuses, comme on a vu précédemment. Ça, c'est Aqid al-Sunnah al-Jama'a, dans laquelle il se distingue de Khawarij, qui disent que celui qui meurt en ayant fait un grand péché sans se repentir, il est voué à l'enfer éternellement. Et contrairement aux Murji'a qui disent, donc Al-Sunna al-Jama'a c'est un juste milieu entre le Khawarij et ceux qui ont la même voix que eux. Il n'y a pas que le Khawarij, il y a le Mu'tazila et d'autres. Il y a le Rafida qui ont la même Aqida. Il y a l'Ibadiyya qui ont la même Aqida. À ce niveau-là, ils ont la même Aqida que le Khawarij. Et à l'autre extrême, on trouve Al-Murji'a et ceux qui sont comme eux, tels que Sofia, tels que l'Asha'ira, à ce niveau-là. Car l'Asha'ira, ce sont des Murji'a. Qu'est-ce qu'ils disent, les Murji'a? Ils disent, aucun péché ne peut nuire avec la foi. Du moment qu'il a Tawhid, les péchés ne peuvent jamais lui nuire et lui causer le châtiment. Donc regardez les deux extrêmes. Il y en a qui disent que le grand péché, ça vaut l'éternité en enfer. Il y en a qui disent que le grand péché, c'est rien du tout, tant que t'es mouahid. Et Al-Sunna, ils disent, At-Tawhid, certes, ça sauve de l'enfer, mais celui qui meurt avec les grands péchés, sans repentir, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah il veut, il le châtie, il le fait rentrer ensuite au paradis. Si Allah il veut, il lui pardonne d'office, il le fait rentrer directement au paradis. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde et qu'Allah nous pardonne nos péchés et qu'Allah augmente notre science et notre foi et qu'Allah nous raffermisse dans le tawhid et dans le sunna et qu'Allah nous fasse aimer la science et les hommes de science et les assises de science. والله تعالى أعلى وأعلم أقول ما تسمعون والسلام عليكم ورحمة الله والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته